Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel est le lien entre talent et excellence? Quelle est la longue histoire et les problèmes récurrents que posent les inégalités utiles? Quelle est la valeur de l'excellence, s'interroge Pierre-Michel Menger. Et comment l'excellence peut-elle être à la fois célébrée et critiquée? Qu'est-ce que le motif d'admiration en sociologie et comment intervient-il dans la culture de la compétition? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, directeur d'études à l'EHESS, nous propose depuis 2017 une grande enquête en forme de diptyque sur 2 années sur les énigmes que pose la notion de talent dans le cadre de sa série intitulée « Qu'est-ce que le talent ?» éléments de physique sociale des différences et des inégalités. Pour le journal Le Point, le sociologue rappelle récemment, et je le cite, que le mot « talent » vient étymologiquement d'une unité de mesure de poids dans la Grèce ancienne. C'est ce sens qu'on trouve dans la célèbre parabole des talents de l'Évangile selon Matthieu, ce qui se résume ainsi « à celui qui a déjà, on donnera encore plus ». Mais dès l'Antiquité, explique encore le sociologue, on hésitait sur le sens figuré du mot « talent » qui commençait à circuler. Était-il un don octroyé par une puissance supérieure, une grâce, une aptitude qui ne vaut rien sans la volonté persévérante et vertueuse de la cultiver? Ces questions furent débattues pendant des siècles. La formule méritocratique de « mérite égale talent plus effort » qui nous vient du XVIIIe siècle en est sortie. Depuis plusieurs cours, Pierre-Michel Menger nous propose donc de revenir sur l'histoire des controverses autour du talent et de l'égalitarisme et des problèmes récurrents que ces notions peuvent poser. Après Helvétius, Marx et Durkheim, ce sont les travaux de John Rawls qui sont examinés aujourd'hui. Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 6 avril 2018 pour le cours de Pierre-Michel Menger « Qu'est-ce que le talent ?» Conclusion partie 1, aujourd'hui, la valeur de l'excellence. J'avais conclu mon cours de la semaine dernière sur le lien entre talent et excellence, avec pour objectif d'examiner comment relier le motif de la capacité individuelle à réussir dans une activité avec l'argument du perfectionnement. Excellence, selon la définition du dictionnaire, celui de l'Académie française, a 2 significations de base. Je cite « degré éminent de perfection et degré de perfection au-dessus des autres ». Donc c'est une graduation absolue et une graduation relative. Le motif du perfectionnement, nous l'avions déjà rencontré antérieurement, à la fois pour rappeler l'évidence contenue dans un motif dispositionnel et ce qui s'en déduit au plan collectif. Le motif dispositionnel indique que les capacités n'ont aucune valeur si elles ne sont pas développées par des efforts, travail d'apprentissage, de perfectionnement, et par des motivations qui soutiennent les efforts individuels à consentir. Et ici résonnent 2 valeurs étymologiques du mot talent, aptitude et inclination. L'idée de perfectionnement ajoute une caractérisation spécifique. Le développement de soi se déploie dans un processus qui n'a pas de fin, ou qui n'a pas de terme assignable, peut-être même pas de plafond, même si les séquences biologiques et physiologiques de la croissance individuelle fixent des limites et une courbure à la dynamique de l'argument de l'accomplissement de soi. On trouve une définition élégante de cet idéal de perfectionnement dans sa fameuse théorie de la justice, John Rawls appelle le principe aristotélicien, et il le définit ainsi. Ce principe affirme toute chose égale par ailleurs que les êtres humains aiment exceller, exercer leurs talents, qu'ils soient innés ou acquis, dit-il, et plus ces talents se développent, plus ils sont complexes, plus grande est la satisfaction qu'ils procurent. On prend d'autant plus de plaisir à l'activité qu'on y devient plus compétent et entre deux activités qu'on exerce également bien, celle qu'on préfère et celle qui fait appel à une plus large gamme de jugements plus subtils et plus complexes. Ainsi, le désir de réaliser le système de fin le plus large, qui met en jeu les talents les plus finement développés, est un aspect du principe aristotélicien. Plus ces talents se développent, plus ils sont complexes, plus est grande la satisfaction qu'ils procurent. L'idée intuitive est ici que les êtres humains prennent d'autant plus de plaisir à une activité qu'ils y deviennent plus compétents, et entre deux activités qu'ils exercent également bien, ils préfèrent celle qui fait appel à une plus vaste gamme de jugements, plus complexe et plus subtil. Et à la fin de cette longue citation, il donne un autre élément clé. Le principe aristotélicien exprime une loi psychologique qui commande les changements dans la forme de nos désirs. Ce principe implique que, puisque les capacités d'une personne augmentent avec le temps, grâce à la maturation physiologique et biologique, mais il y a une courbure, et qu'elle développe ses capacités et apprend à les exercer, elle en vient à préférer les activités plus complexes. Chez les auteurs qui, depuis le XVIIIe siècle, adoptent une conception différentialiste de l'individu, maintenant le vocabulaire que j'ai mis au point est clair, je crois, Rawls est de ceux-là, parmi ses auteurs. L'idéal de perfectionnement contient une dynamique propulsée par ce qu'on peut appeler une double hélice, celle des capacités et celle de l'éducation et des efforts individuels et collectifs incessants pour augmenter les bénéfices de l'interaction entre capacité et éducation. Or, l'apprentissage et l'éducation sont des processus continus et non pas achevés au terme d'une séquence de formation initiale. Et c'est particulièrement vrai des activités qui sollicitent le plus directement le motif du talent, depuis d'ailleurs bien plus longtemps que ne le fait la mode actuelle, cette diffusion de la sémantique du talent qui rebaptise, comme on l'a vu antérieurement, talent tout le personnel d'une organisation, d'une entreprise. Dans ces activités, arts, sciences, sport, entrepreneuriat et d'autres, ces activités sont valorisées à proportion de leur potentiel continuellement formateur. Je veux dire du potentiel formateur qui est directement dérivé de leurs cours non routiniers. Il s'agit typiquement d'activités plus complexes, pour suivre la formulation de Rawls, dans lesquelles l'apprentissage intensif est une condition et en même temps un bénéfice du travail lui-même. Ces activités sont dotées d'une propriété de temporalisation que cerne bien cet argument aristotélicien qu'utilise Rawls, qui dit, conformément à ce principe aristotélicien, « Je suppose que les êtres humains préfèrent le projet à long terme » le plus complet, parce que son exécution implique probablement une combinaison plus complexe de talents. Évidemment, si vous vous fixez... Il y a eu un travail formidable de Michel Glaude qui analysait l'horizon de carrière des salariés et les rapports entre préférences individuelles, système d'emploi et horizon de carrière, et qui montrait comment l'horizon de carrière était quelque chose d'éminemment désirable, même si on fait la publicité de la mobilité, du changement de métier, etc., etc. L'idée d'avoir un horizon de carrière, c'est-à-dire un horizon de développement de soi dans une activité pour combattre le simple fait de la désutilité, avoir le sentiment que on se transforme soi-même utilement en se frottant au travail et en s'y donnant, c'est une dimension absolument essentielle. Comme je l'avais montré l'an dernier, je ferai quelques retours sur l'ensemble des cours au fur et à mesure que je tisserai les fils, c'est une manière de le conclure. Dans la pensée du XVIIIe siècle, l'argument du perfectionnement a toujours été porteur d'ambivalence. Le perfectionnement est impensable sans la socialisation de l'individu. Se perfectionner, ce n'est pas une simple pulsion solipsiste qui pourrait se passer de toute impulsion externe. Mais parce qu'elle est socialisée, autrement dit qu'on se développe uniquement au contact d'autrui et en interaction avec autrui, cette mise en œuvre des capacités individuelles engendre soit un jeu à somme sociale positive, tout le monde en bénéficiera, soit un jeu à somme nulle ou négative. Les uns se développeront aux dépens des autres ou tout le monde ira plus mal si la société n'est pas bien réglée. Rousseau adoptait la position à l'égard du perfectionnement du mal inévitable, du bien et du mal inévitable. Pour Rousseau, ce que l'individu gagne à être poussé à se perfectionner par son entrée dans l'état de société, il le perd aussi dans le bilan négatif du perfectionnement de la civilisation. Bien sûr, il y a un développement de facultés individuelles que la vie collective en société rend possible, dit Rousseau, et les différences inter-individuelles se déploient avec la sortie hors de l'état de nature et avec l'entrée dans l'histoire et dans la société. L'individu se perfectionne parce que son langage progresse, son imagination se déploie, son ingéniosité augmente et les différences de capacité s'expriment et deviennent opératoires. Souvenez-vous que Rousseau est du côté des différentialistes contre Helvétius. Mais les désirs deviennent aussi plus élevés et plus insatiables, ce motif qu'on retrouvera chez Durkheim. C'est le propre de l'imagination que de pousser à sortir de la limite, à anticiper le futur, à entrevoir, à espérer un futur plus agréable, etc. Et surgissent aussi des comparaisons inter-individuelles qui sont génératrices d'envie et qui sont omniprésentes. L'équilibre propre à l'état de nature entre l'homme et son environnement et par la voie d'une naturalisation complète de l'individu, chez Rousseau, cet équilibre est rompu quand on est dans l'état de société. Et le bilan que fait Rousseau est pessimiste et fataliste. Rousseau dit « Tous les progrès ultérieurs, autrement dit en sortant de l'état nature, ont été en apparence autant de pas vers la perfection de l'individu et en effet vers la décrépitude de l'espèce. » La formule est redoutable. Le bénéfice individuel, par composition, aboutit à un coût collectif. Du moins, si on le juge à l'aune de ce que procurait de l'état de nature, selon Rousseau, à savoir une égalité entre des individus non socialisés, mais également non perfectionnés. La virtualité, qui est au cœur de la sémantique capacitaire du talent, joue donc ici ce rôle redoutable. Qu'advient-il si le talent produit ce qu'il est réellement, à savoir un opérateur de différenciation? La réponse est, socialisé, l'individu devient certainement tout ce qu'il espère ou peut espérer devenir tout ce qu'il est, et chacun différemment, mais la différence entre les individus qui existaient, à nouveau Rousseau n'est pas Helvétius, et qui étaient non rival dans l'état de nature, pivote en écart de supériorité et d'infériorité. Et s'il lui faut définir une incarnation possible d'une société non catastrophique, Rousseau opte pour une société de petite taille et pour une économie de production typiquement artisanale. Travail indépendant dans de petites communautés d'échange et de petites communautés de délibération. Autrement dit, tout sauf la subordination. J'avais déjà montré dans mon cours sur la valeur du travail, le premier que j'ai fait au collège, que cet idéal artisanal a été le fil directeur de la critique de la division du travail, mais aussi de la préservation d'une conception différenciatrice des individus, pourvu que la compétition soit réduite ou non exclusive des bénéfices de la coopération. Ce motif est présent aussi chez Marx, chez les réformateurs anglais du mouvement Arts and Crafts, de la fin du XIXe siècle, Ruskin, William Morris, qui prône des systèmes et des communautés de travail fondées sur la réunion des compétences et non sur des relations de concurrence, et plus près de nous, chez Wright Mills, un grand sociologue critique américain, ou chez André Gortz. Et j'en ai trouvé une formulation élégante que je ne peux pas détailler, et pourtant qui mériterait de l'être, dans le livre de Richard Sennett, « The Craftsman », qui est traduit en français sous le titre « Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat ». Une deuxième spécification du motif du perfectionnement, déjà au XVIIIe siècle, relevait d'une conception inverse de celle de Rousseau. Les différences individuelles peuvent s'exprimer dans des inégalités de capacité et de réussite, dans toutes les activités qui sollicitent la motivation au perfectionnement, pourvu qu'elles produisent des biens communs nécessaires aux avancées d'une société et moyennant l'égalisation progressive des opportunités d'accomplissement individuel. Il s'agit en quelque sorte de définir les principes d'un jeu social à somme positive incluant des inégalités de capacité. Un penseur comme Condorcet, dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, avait trois espérances dans le progrès humain: la destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple et le perfectionnement réel de l'homme. S'agissant de l'égalité de fait, comme il dit, dernier but de l'art social, selon Condorcet, elle doit, cette égalité, diminuer les effets de la différence naturelle des facultés et ne plus laisser subsister qu'une, je cite, « inégalité utile à tous » parce qu'elle favorisera le progrès de la civilisation, de l'instruction et de l'industrie sans entraîner ni dépendance, ni humiliation, ni appauvrissement. Dans l'article de l'encyclopédie qui s'intitule « Société », qui a été rédigé par Louis de Jaucourt, voilà ce que dit l'article. « Telle est en effet la nature, la constitution de l'homme, que hors de la société, il ne saurait ni conserver sa vie, ni développer et perfectionner ses facultés, ses talents, ni se procurer un vrai et solide bonheur. Nous voyons que la nature a voulu partager et distribuer différemment les talents entre les hommes. » C'est toujours l'opposition entre nature et société, avec un ancrage à différence dans la nature, en donnant aux uns une aptitude de faire certaines choses, de bien faire certaines choses qui sont comme impossibles à d'autres, tandis que ceux-ci, à leur tour, ont une industrie qu'elle a refusée au premier. Ainsi, si les besoins naturels des hommes les font dépendre les uns des autres, la diversité des talents qui les rend propres à céder mutuellement les lie et les unit. Ce sont là autant d'indices bien manifestes de la destination de l'homme pour la société. Donc le thème de l'interdépendance, qui est si présent ensuite chez Durkheim, de la complémentarité plutôt que de la rivalité, est évidemment essentiel dans cette construction. Il est vrai que, contrairement à Rousseau, Jaucourt, l'auteur de cette notice, veut croire que la sociabilité, c'est-à-dire l'obligation réciproque entre les hommes, est la source de la bienveillance entre les individus et de la morale collective, parce qu'elle incite à rechercher l'équilibre entre ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour autrui, sous le principe régulateur de la recherche du bien commun. C'est ici la deuxième partie de la citation. Le bien commun doit être, ces mots qui résonnent aujourd'hui en permanence, ils ont une très longue histoire, comme vous voyez, et les problèmes sont exactement les mêmes, toujours. Le bien commun doit être la règle suprême de notre conduite et nous ne devons jamais chercher notre avantage particulier au préjudice de l'avantage public. La question de la liaison positive ou négative entre croissance, un autre mot pour perfectionnement, et inégalités utiles est un thème majeur des recherches et des débats dans la pensée économique, dans la théorie politique, et dans la philosophie de la justice sociale et dans la société en général depuis 3 siècles. Une des façons de le comprendre est de lire la réception, par exemple, du livre qui a eu un retentissement considérable de Thomas Piketty sur le capital au XXIe siècle, qui est exactement en partie aussi sur ces questions-là. L'excellence est la visée d'un processus de perfectionnement. Comme l'indiquait la définition du dictionnaire que je rappelais tout à l'heure, il en existe 2 spécifications, comme pour le talent, inclusive ou exclusive, non rivale ou distinctive. C'est logiquement dans les domaines de l'éducation et du travail que cette sémantique très sollicitée de l'excellence, les prix d'excellence ou les primes d'excellence, fait apparaître les disjonctions les plus saillantes entre perfectionnement et accomplissement d'une part et excellence comme supériorité d'autre part. L'excellence comme idéal, comme principe de conduite auquel souscrire collectivement, mais chacun pour soi, est une morale d'accomplissement individuel et une motivation à se perfectionner. L'argument moral qui est derrière cette idée de perfectionnement affirme que tout individu doit pouvoir développer en lui les dispositions ou dans un vocabulaire philosophique très ancien, les vertus, arrêtées en grec, requises pour se réaliser complètement dans son humanité. La capacité à se montrer vertueux en ce sens-là et à manifester ainsi son excellence relève, selon l'argument inventé dans la philosophie antique, d'un choix et de l'exercice de la raison. C'est la philosophie de la praxis d'Aristote, il revient, qui a fourni cette première matrice d'une conception de l'excellence. La praxis, selon Aristote, c'est l'action qui n'a pas d'autre fin que le perfectionnement de l'agent. Tout individu s'efforce d'atteindre sa perfection propre. Y parvenir, c'est réaliser sa nature. Vous retrouvez la définition du principe aristotélicien de Rawls. Et cet impératif est la matrice d'une morale aux variantes très nombreuses dans l'histoire, aristotélicienne, luthérienne, kantienne. Chaque individu a le devoir de développer au mieux les capacités dont il est porteur et qui ne se déploient que par l'action combinée de qualités intrinsèques dont il est porteur, des circonstances favorables à l'expression de ces qualités, de l'action éducative de la société et de l'effort mis à soutenir l'expression de ces qualités. La parabole des talents de l'évangile de Matthieu, qui est revenue à plusieurs reprises dans ce cours pendant ces deux années, s'inscrit exactement dans ce cadre. Quelle que soit votre dotation initiale, et vous pouvez indexer cette dotation sur ce que vous voulez, que ce soit biologique ou strictement social, quelle que soit votre dotation initiale, il est impératif de faire fructifier tout ce que vous pouvez. Et la morale protestante dans laquelle Weber a voulu voir la matrice du capitalisme soutient que l'engagement dans l'accomplissement de soi par le travail et par l'action est loin de n'avoir qu'une motivation purement instrumentale. La prédestination, c'est l'argument de la lecture weberienne du calvinisme, a déjà distribué les destins individuels au départ. Ce que procure à un individu la réussite et l'excellence dans son activité, ça n'est qu'un signe de l'élection possible au salut éternel, mais certainement pas le moyen d'obtenir ce salut, puisque les dés sont jetés dès la naissance. Donc le succès dans une activité n'est qu'un by-product, un produit dérivé d'une morale orientée vers le plein accomplissement de soi. Cette conception individualiste et morale de l'excellence est assortie de la définition de normes d'équilibre et d'optimalité. L'excellence n'est pas l'exubérance irrationnelle ou le dépassement sans mesure de toutes les limites dans cette conception-là. La morale aristotélicienne définissait, selon un célèbre travail de Pierre Aubin, le philosophe qui a consacré beaucoup de travaux importants à Aristote, définit une norme d'équilibre dans les situations d'action. Par exemple, le courage est une excellence qui s'oppose tout à la fois à la lâcheté et à la témérité. Tout comme la générosité est un point d'équilibre entre l'avarice et la prodigalité. Cette morale de l'accomplissement personnel est ainsi construite sur une rationalité régulatrice à laquelle les passions doivent être soumises. C'est par l'exercice du jugement et de la délibération que l'individu orientera son action vers le bien, entendu comme la fin la meilleure possible, au milieu de la diversité infinie des cas particuliers. L'excellence est par conséquent un optimum, l'objectif d'accomplissement individuel le plus élevé possible dans l'action doit s'ajuster nécessairement à la variabilité des situations. Ce n'est pas un absolu, c'est un optimum. Dans chaque ordre d'action, professionnel, intellectuel, éthique, politique, ce motif de l'excellence obéit donc à cette définition fonctionnelle. Cette construction définit l'individu comme une totalité autonome et rationnelle. Mais comment donc peut-elle s'appliquer à une collectivité tout entière? Si l'on raisonne maintenant en termes d'interdépendance des individus au sein d'une société, on dira que la poursuite individuelle de la vie bonne, après tout c'est un désir que chacun doit avoir légitimement, paraît ne pouvoir définir un équilibre collectif que si la personne n'en tire aucun avantage qui diminuerait les chances d'autrui de poursuivre le même but. Or, je l'ai dit, la sémantique de l'excellence contient bien un second registre de signification. L'excellence est comprise comme supériorité dès lors qu'intervient l'évaluation relative des capacités et des performances individuelles. Les domaines dans lesquels l'excellence est le plus prisée socialement sont aussi les domaines qui provoquent les plus grandes inégalités d'accomplissement et de reconnaissance individuelle. Les arts, les sciences, la recherche, les sports, l'engagement politique. Dans ces domaines, l'évaluation comparative est omniprésente, ce qui suggère que l'excellence de l'individu ou de sa production est une qualité relative. Elle constitue un maximum local, c'est-à-dire la meilleure réalisation sous les conditions données d'accomplissement, d'évaluation et de compétition. Donc vous voyez bien ce qui arrive. Nous sommes partis d'une morale et d'un système de motivation individuelle et nous atteignons la question politique et sociale. Sous quelles conditions l'idéal d'excellence qui orienterait l'accomplissement de chacun peut-il être aussi un optimum social? Il y a trois problèmes qui surgissent alors. Premièrement, les domaines de perfectionnement de soi sont aussi nombreux que les domaines d'action. S'ils sont hiérarchisés, la réalisation de soi dans un domaine de peu de valeur équivaut au sacrifice des engagements possibles dans des domaines plus élevés. Quelqu'un qui aurait des aptitudes aux mathématiques, pour évoquer un cas que nous étudierons plus tard, et qui se prend de passion pour la cueillette des champignons, il a peut-être sacrifié quelque chose pour lui-même et aussi pour la société. Et donc la question est, la définition d'une hiérarchie des fins compromet-elle l'idéal pacifié de la coexistence des excellences dans de multiples ordres d'action? Deuxièmement, la capacité d'atteindre l'excellence et de mener une vie bonne dépend évidemment fortement de facteurs qui sont hors de contrôle de l'individu. Troisièmement, l'excellence qui est visée par chacun peut-elle gouverner le comportement de tous si elle est obtenue dans une compétition ou une rivalité? Alors, pour répondre peut-être pas à toutes ces questions, mais à certaines au moins, voyons d'abord si le motif de l'excellence comme supériorité nous maintient dans un jeu social à somme positive. Tout le monde bénéficiera de la volonté individuelle de se perfectionner, ou si ce motif de l'excellence nous fait basculer dans un monde où l'on excelle que par comparaison et aux dépens d'autrui. Alors, sous quelles conditions l'excellence peut-elle correspondre à un jeu à somme positive? J'ai une première réponse qui nous vient précisément de cette théorie de la justice de Rawls, qui s'inspire explicitement d'Aristote, comme je l'ai dit. Et l'idée, c'est que l'impératif d'excellence recèle à la fois un bénéfice individuel et un bénéfice collectif. Voilà la citation. Distinguons entre des choses qui sont bonnes en premier lieu pour nous, celui qui les possède, et des attributs de notre personne qui sont bons à la fois pour nous et pour les autres. Ainsi, les marchandises et les biens de propriété, des biens exclusifs, sont des biens essentiellement pour ceux qui les possèdent et les utilisent, et seulement indirectement pour les autres. Par contre, l'imagination et l'esprit, la beauté et la grâce, ainsi que d'autres atouts et talents naturels de l'individu, sont des biens aussi pour les autres. Ils sont l'objet d'une satisfaction pour nous-mêmes, comme pour nos associés, s'ils se manifestent de la bonne façon et à bon escient. Ils constituent les moyens humains pour des activités complémentaires dans lesquelles les individus coopèrent et prennent plaisir à la réalisation de leur nature propre, ainsi qu'à celle d'autrui. Cette classe de biens constitue les excellences. Et il poursuit, les excellences représentent les qualités et talents individuels qu'il est rationnel que chacun, y compris nous-mêmes, désire nous voir posséder. Ainsi, les excellences sont une condition de l'épanouissement de l'homme, elles sont des biens pour tout le monde. Elles sont ainsi en rapport avec les conditions du respect de soi-même, ce qui explique leur lien avec le sentiment de confiance en notre propre valeur. Cet argument, il est omniprésent dans l'analyse classique du progrès des civilisations, selon la philosophie rationaliste des Lumières, par exemple. Il justifie l'impératif d'éducation, qui doit permettre d'accorder à chacun des chances égales de déployer ses capacités. Et le lien positif tant évoqué dans notre société de la connaissance et de l'innovation entre l'éducation et la croissance transpose au niveau d'une société tout entière les bénéfices de la morale et de l'initiative individuelle visant à cette réalisation la plus accomplie de soi. La théorie rawlsienne s'oppose aussi à la critique de la spécialisation productive dans le droit fil de cet argument aristotélicien de la phronesis. Une des caractéristiques de base de l'être humain, c'est qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il aimerait faire, ni a fortiori tout ce que quelqu'un d'autre peut faire. Les potentialités de chacun sont plus grandes que ce qu'il peut espérer réaliser, et elles sont loin d'atteindre ce qu'il est dans le pouvoir des êtres humains de faire d'une manière générale. Ainsi, chacun doit pouvoir choisir parmi ses talents et ses intérêts possibles ce qu'il souhaite développer. Il doit en planifier l'exercice et en ordonner la pratique. Bien sûr, la sémantique de l'excellence fait inévitablement surgir la question des inégalités individuelles d'accomplissement. Et comment Rawls résout-il le problème? Pour lui, les talents individuels sont différents, mais ces différences sont une ressource et il y a deux mécanismes qui agissent pour les transformer en, comme on dit aujourd'hui, en externalités positives. Même le président de la République parle beaucoup d'externalités positives. Les économistes avant lui, depuis longtemps. D'abord, les capacités dont chacun dispose ne peuvent pas toutes s'actualiser, c'est ce qu'on vient de voir. Et conséquence, et mieux encore, c'est au spectacle stimulant des talents d'autrui que nous souhaitons pouvoir développer certains des nôtres, certaines capacités chez nous. Nous prenons plaisir aux activités des autres, c'est comme si les autres faisaient apparaître une partie de nous-mêmes que nous n'aurions pas été capables de cultiver. Quand vous allez dans un musée ou vous allez à un spectacle sportif, d'une certaine manière, c'est ce que vous pratiquez en permanence. Vous admirez quelque chose que peut-être vous auriez pu faire, mais qu'il se trouve que vous ne faites pas. Nous avons dû nous consacrer à autre chose qui ne représente qu'une petite partie de ce que nous aurions pu faire. En voyant chez les autres l'exercice de compétences de haut niveau, nous y prenons du plaisir et le désir s'éveille en nous de faire des choses semblables nous-mêmes. Nous voulons ressembler à ces individus qui ont développé des compétences que nous trouvons latentes dans notre nature. Voilà, le problème est assez habituel. À quelles conditions le talent de certains ou l'excellence de certains peuvent-ils être admirés au point d'avoir un effet d'entraînement sans réserve dans des sociétés qui ont pourtant une préférence collective pour une plus grande égalité des situations individuelles? Qu'est-ce que c'est que ce motif d'admiration dans un monde où nous pouvons aussi vouloir beaucoup plus d'égalité entre les individus? C'est une question qui intrigue beaucoup et sans arrêt. Comment peut-on admirer des sportifs qui gagnent des sommes faramineuses alors que le monde du business, lui, sera considéré comme une abomination quand il pratique des salaires délirants, ce qu'il fait? Comment est-ce que ça se produit? Il se peut d'ailleurs que, comme on l'a vu dans le deuxième cours, les sociétés de high-tech et leurs défis prométhéens transhumanistes aient ceci de commun avec les sports, que ces entreprises promettent des innovations même ébouriffantes ou illimitées et pratiquent donc cette culture du no-limit qui n'a rien de la stratégie rationnelle de l'investisseur surveillant ses concurrents et calculant ses risques, mais qui ressemble à une sorte d'hypertrophie sportive ou quasi métaphysique du défi tout à la fois entrepreneurial, scientifique, technique et économique. Si je dis Elon Musk, c'est une rockstar, je ne vais pas dire grand-chose, mais la tolérance aux inégalités dans ce monde-là, ou de notre part, à l'égard de ce monde, est certainement augmentée par la présentation de prises de risques anormales ou de défis scientifiques hors normes qui se cumulent et, s'ils sont relevés avec succès, qui masquent assez efficacement les conditions de leur production, les rachats, les incitations, les rémunérations folles, etc. Le dernier des paradoxes, c'est le cas d'entreprises comme Google ou Facebook et de l'intelligence artificielle en général, c'est que nous sommes en même temps priés d'être tous des actionnaires, mais sans droit de vote et sans rémunération de l'innovation par les données que nous fournissons. Thank you. Le Collège de France et France Culture vous présentent le sociologue Pierre-Michel Minger. Qu'est-ce que le talent ? Conclusion, partie 1. Aujourd'hui, la valeur de l'excellence. Alors, j'ai avancé deux arguments. Il y a, d'autre part, le fait que la culture de la compétition met en avant des secteurs qui partagent des caractéristiques typiquement associées à la sollicitation et développement du talent, c'est-à-dire ces caractéristiques de risque, de confiance ou de surestimation de soi. On en a déjà parlé. Le phénomène du... chacun se pense meilleur que la moyenne. 70% des individus s'estiment supérieurs à la moyenne. Une autre qualification du jeu à somme positive, fondée sur un idéal de perfectionnement, apparaît alors qui procède ainsi. S'il existe des inégalités sociales de dotation initiale et de chances inégales d'actualisation des capacités personnelles, les différences qu'elles engendrent ne se transformeront pas, par exemple pour un auteur comme Rawls, en avantage concurrentiel illégitime et en supériorité injustifiée si des relations de complémentarité sont organisées par un système social approprié. Et nous avons vu que c'était aussi tout l'effort de Durkheim, d'une certaine manière. C'est la citation qui est ici. Différents individus ayant des capacités semblables ou complémentaires peuvent coopérer en quelque sorte pour réaliser leur nature commune ou complémentaire. Quand on exerce ses propres forces, et j'ai mis ce motif en gras, en toute sécurité, et ça veut dire beaucoup de choses, parce que vous logez derrière toutes sortes de systèmes de protection sociale, on est mieux disposé à apprécier les perfections des autres, en particulier quand leurs qualités ont leur place dans une forme de vie dont les objectifs sont acceptés par tous. Je pense qu'une partie des sociétés scandinaves pourrait souscrire à ce genre de d'énoncé. La sociologie durkheimienne n'avait pas, pour maintenir un idéal de perfectionnement individuel et social, d'autres solutions que d'associer à la reconnaissance des inégalités de capacité individuelle un impératif de régulation de l'organisation sociale. La célébration de l'idéal d'excellence du travail artisanal par des auteurs comme Wright Mills ou Sennett, dont j'ai parlé, insiste de même sur les relations de complémentarité dans une communauté productive, pour apparier le souci de perfectionnement individuel et le refus de la compétition avec ses profits qui peuvent devenir exponentiellement asymétriques. La complexité des sociétés modernes interdit cependant de concevoir celles-ci simplement comme des communautés de travail. C'était d'ailleurs une des limites de la construction durkheimienne, ces fameux corps intermédiaires qui devaient réguler le système. En fait, c'est l'ingénierie des protections sociales dans le monde du travail, cet argument de sécurité chez Rawls, et ce sont les dispositifs d'égalisation tendancielle des chances de réussite, réussite scolaire notamment, qui soutiennent la réconciliation possible de l'excellence comme réalisation de soi et de l'excellence comme accomplissement supérieur. Et je mentionne à nouveau ces deux domaines, éducation et sphère de travail, dans lesquels cette valeur d'excellence est à la fois le plus directement sollicitée et le plus directement assortie de mécanismes controversés de compétition. Avant d'examiner la position radicalement critique à l'égard de tout ça, nous pouvons différencier les plans d'observation et d'analyse pour examiner comment l'excellence peut être critiquée à un niveau et célébrée à un autre. Dans le monde de la recherche scientifique, des sports ou des arts, ce qui, au plan intranational, peut faire l'objet de vifs conflits sur les inégalités de réussite et sur les chances inégales d'exceller, devient un objectif. Je pourrais aussi parler du monde de l'entreprise et des start-up. Ce qui peut faire l'objet de vifs conflits devient un objectif fédérateur une fois que la nation est conçue comme un ensemble unifié, immergé dans la compétition internationale. Le souci ou la fierté du rang national opère comme un vecteur d'unification autour de valeurs et d'objectifs d'excellence qui sont pourtant entièrement fondés sur les mécanismes de sélection, de compétition et de rivalité et sur l'exacerbation de facteurs responsables de la réussite indexée sur l'excellence. Et pour en revenir à un sujet qui nous occupera, on peut songer à l'excellence française en mathématiques ou en informatique, aux héros du sport français, aux champions nationaux de l'innovation ou de l'industrie, par exemple celle du luxe, qui est dominée mondialement par des firmes françaises, ou à l'excellence de la production culturelle française, qu'elle soit ancrée dans le marché ou qu'elle soit à Paris à des soutiens publics, les arts plastiques, le cinéma, l'architecture, avec leurs prix et leur gloire nationale, et plus largement à tous ces héros nationaux que célèbrent nos panthéons, nos musées, nos académies, nos commémorations, nos expositions, nos centenaires, nos bicentenaires, etc. Un cas aussi remarquable, également remarquable, c'est par exemple l'allocation concurrentielle de ressources aux universités, qui fait parler d'elle à nouveau. C'est un exemple éloquent d'adoption et de diffusion du vocabulaire de l'excellence à toute la réorganisation de ceux des systèmes nationaux d'enseignement supérieur qui veulent se placer dans le nouveau contexte de concurrence mondiale. Ce vocabulaire et ce principe d'excellence a été utilisé comme une technique de ce qu'on peut appeler l'evidence-based management par la politique britannique et son Research Excellence Framework, récemment d'ailleurs assorti d'un Teaching Excellence Framework, mais dont la méthodologie est plus difficile à élaborer. Et l'idée est la même, toujours, c'est le principe de la répartition de ressources rares, l'argent, les moyens budgétaires, doit être organisé selon le principe de la mise en concurrence, mais ça fait l'objet de controverses très vives partout où il est adopté et partout où on peut faire l'inventaire d'un certain nombre d'effets pervers. Mais une fois placé dans le contexte de la compétition mondiale, cet impératif d'excellence nationale de recherche est légitimé face à la puissance croissante des nations qui, comme la Chine, je l'ai dit dans le cours numéro 2, le premier et le deuxième cours, comme la Chine, sont en train de devenir scientifiquement dominantes et qui détient les clés de la recherche et de son application technique, détient aussi les clés d'une partie de la croissance. Et c'est à Shanghai qu'a été inventé le classement, le fameux classement éponyme des universités. En dépit de son arbitraire qui est souvent souligné, ce classement a très spectaculairement diffusé une culture et une politique de la mesure de l'intensité de recherche académique. Le classement mondial des universités a justifié ou accéléré toute la machinerie des réformes dans les pays tels que l'Allemagne et la France, qui entretenaient une conception beaucoup plus égalitaire de l'offre universitaire et de son organisation spatiale que la plupart de ses concurrents directs. La machinerie des compétitions internationales a de même classé et emboîté les politiques éducatives nationales du premier et du second degré, en suscitant simultanément un rappel égalitaire traditionnel à l'impraticable excellence pour tous au plan national, mais aussi une préoccupation croissante d'excellence concurrentielle dans le jeu inégalitaire des rivalités nationales et continentales. Et la plus récente mobilisation officiellement décrétée sur le thème de l'excellence, c'est celle de l'intelligence artificielle qui a été lancée ici même il y a quelques jours. Donc on ne se débarrasse pas simplement de ce motif, il faut le décomposer pour le faire bien travailler. Je l'ai dit, le motif de l'excellence comme horizon de perfectionnement révèle toute son ambivalence quand la supériorité qu'il dénote est logée dans une conception de la société structurée par les compétitions, parce que les compétiteurs ne sont jamais également dotés. Mais il se trouve aussi que c'est, par exemple, toute l'ingénierie de certains systèmes d'action, et les sports en sont un qui surveille, comme le lait sur le feu, la qualité de l'ingénierie de la compétition, que de vouloir perfectionner non seulement les individus, mais aussi de perfectionner la compétition. Il faut pouvoir maintenir un équilibre concurrentiel suffisant pour continuer à intéresser un public et pour permettre aux sportifs de progresser sans être placés sous une loi déterministe du succès totalement prévisible. Si une équipe domine toutes les autres, a priori, c'est fini. La compétition n'a strictement plus aucun intérêt. Je vous renvoie ici à ce qui sera publié bientôt dans le volume qui sera tiré du colloque qui a été organisé ici même l'an dernier sur le talent en débat. Ce sera le titre du volume qui paraîtra aux presses universitaires de France. Et donc les communications sont tirées du colloque qui avait été organisé à partir de ma chaire en 2017. Alors maintenant, venons-en à la position radicalement critique. Marx souscrit à l'idéal aristotélicien du perfectionnement individuel, comme l'a montré Jon Elster, et Jon Elster y voit même, dans cet idéal, l'essence du communisme marxien. C'est inattendu, mais c'est convaincant. Le travail ou l'agir productif doit être, pour chaque individu, selon Marx, le moyen de se réaliser dans la plénitude de son essence individuelle. C'est l'économie capitaliste d'échange et de production pour la consommation, avec ses rapports de propriété et des moyens de production, qui a fait du travail une marchandise, une activité instrumentelle et utilitaire, au lieu de libérer sa capacité créatrice, dit Marx. Dépasser ce stade, c'est revenir à l'essence même de l'agir humain, à sa puissance expressive qui est inscrite dans l'ordre naturel. L'individu, en activant ses forces créatrices et expressives, ne fait qu'obéir aux lois qui régissent sa nature et qu'entravent les déterminismes sociaux. Mais le recours au paradigme aristotélicien s'arrête ici. Chez Marx, si l'excellence se fonde sur une inégale dotation en capacité et talent individuel, elle bascule dans l'économie de la supériorité, la société de concurrence et de conflits d'intérêts de classe qui en dérive prospérera tant qu'une série de conditions seront réunies: rareté des ressources qui provoque la compétition pour l'obtention et le contrôle de celle-ci, spécialisation excessive des apprentissages et des compétences productives, qui conduit à exploiter sans frein les capacités inégales d'accomplissement des individus dans tel ou tel domaine d'action, mise en comparaison et en évaluation relative systématique des individus pour sélectionner et spécialiser les qualités individuelles au vu de leur inégal niveau ou potentiel, tous ces mots que nous avons beaucoup rencontrés. Enfin, appropriation privée des moyens de production qui définit l'opposition des classes et l'intérêt inégal que trouvent les individus, les employés et les entrepreneurs au plein déploiement de leur excellence productive. Sous cette qualification, l'excellence de compétition et de supériorité est ce qu'il faut absolument récuser. Mais sans récuser l'idéal de perfectionnement et sa visée, l'excellence d'accomplissement, qui constitue littéralement le socle de l'anthropologie marxienne du travail, comme vecteur d'émancipation, mais dans des conditions politiques et économiques transformées. C'est cette combinaison d'acceptation sur un plan et de rejet sur l'autre, c'est à cette combinaison que l'on mesure l'écart entre, par exemple, Marx et des solutions de philosophie politique, Rawls, ou des sociologies réformatrices, Durkheim, qui plaide pour une conception réaliste de la différenciation individuelle et de la limitation des inégalités de conditions sociales, qui résulte de l'activation spécialisante et concurrentielle des différences. Bon, alors examinons maintenant la solution marxienne de perfectionnement. Comment est-ce que ça peut marcher ? Une première condition, c'est de dévaloriser la consommation dans ce qu'elle comporte de passif. Les besoins primaires de consommation sont vite débordés par ce motif, l'illimitation des besoins secondaires des désirs et sont exposés aux manipulations les plus efficaces du marché, nous dit toute une tradition qui voit dans le travail expressif le vecteur du contrôle de soi et dans la conception du travail instrumental le vecteur de l'aliénation du consommateur. Il n'y a que les stratèges du marketing pour faire croire, selon cet argument, à la possibilité d'un talent de consommateur. Consommateur avisé, informé, tirant le meilleur parti possible de toutes les technologies d'aujourd'hui, etc. La critique de l'intensification et de la perte de sens du travail a en effet pour corrélat la mise en question des comportements de consommation et des mécanismes de rivalité sociale qui font de la consommation l'empire des compétitions statutaires. Cet argument court au-delà de Marx, de Veblen à Galbraith, à Daniel Bell, à Juliet Shore et à bien d'autres. L'inflation des besoins artificiellement entretenus conduit, selon cet argument, les travailleurs à une course sans fin qui fait correspondre à une utilité croissante du travail, une dilatation aliénante des satisfactions recherchées hors du travail. Et la valeur positionnelle de la consommation ajoute son déséquilibre en faisant dépendre l'utilité retirée des biens et des services consommés de leur pouvoir de signalement du rang social des individus. La deuxième condition de l'accomplissement de soi à la Marx réside dans l'abolition des mécanismes qui rendraient toute différenciation individuelle opératoire à la faveur de la division du travail et des opérations de comparaison et d'évaluation qui structurent la formation, la spécialisation des compétences et l'accès à des emplois qui sont enchâssés dans une organisation du travail par segmentation des tâches, des professions et des savoirs. Donc, la clé de voûte, c'est abolition pure et simple de la division du travail pour abolir purement et simplement la situation de concurrence. Autrui ne doit à aucun prix devenir un rival, un juge de mes compétences ou un spécialiste à qui me mesurer. Ce n'est pas la même chose. Tout individu est supposé agir spontanément dans l'intérêt de tous et les relations de complémentarité qui sont maintenant poussées à leur maximum font de la collectivité sociale une communauté et ceci permet de triompher de tout ce qui est concurrence avec ses gagnants et ses perdants. Et dans ce cas-là, tout le monde pourra être également talentueux, autrement dit, également doté de potentialités qu'il pourra mettre en œuvre sans obstacle. La troisième condition, c'est l'autonomie et la spontanéité, ce motif sur lequel j'avais insisté quand j'avais examiné le travail de Durkheim, la spontanéité dans l'exercice de l'activité. Alors, pour que ça marche, il faut que, un, il n'y ait pas de contrainte sur la réalisation du travail, deux, que l'échec soit impossible, et je vais m'y attarder un peu, et trois, qu'il n'y ait pas de jugement émis sur la valeur de la réalisation que produit chacun. Ces trois spécifications forment littéralement un système d'idéalisation régulatrice. La première spécification, elle est conforme à la définition kantienne de l'autonomie dans l'exercice d'une activité qui sera soustraite à une finalité instrumentale et utilitaire. La liberté d'autodétermination dans le cours de l'activité n'exclut pas, dit Marx, l'effort et le sérieux qu'exigent les épreuves pour surmonter des obstacles, mais la spontanéité et la liberté d'autodétermination sont essentielles. Ensuite, l'argument, il a une limite infranchissable. Il ne faut surtout pas aller jusqu'à autoriser, même s'il y a des difficultés dans une activité, la possibilité de l'échec, car l'échec de quelqu'un dans son travail l'exposerait à l'examen évaluatif et peut-être critique d'autrui, ce qui déclencherait une rupture d'équilibre majeure. parce qu'il faut absolument placer l'acte de production hors d'atteinte de la répartition fonctionnelle des rôles dans une société où le travail, pour demeurer absolument désirable, ne doit pas être subordonné à une mesure externe de son accomplissement. L'échec, ça ne pourrait être au mieux que le différement de la réussite, et en aucun cas le levier d'une évaluation comparative des mérites individuels. Ces spécifications peuvent paraître irréalistes, mais elles forment le socle d'une idéalisation complète de ce que pourrait être un travail complètement autonome. Autonome au sens étymologique du terme, qui a en lui-même sa propre loi. Mais pour que l'échec soit impossible, ce qui est tout de même une condition assez spectaculaire, il faut avoir purgé le travail de toutes les composantes qui rendraient une activité incommensurablement plus originale ou plus complexe qu'une autre. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 6 avril 2018 le cours de Pierre-Michel Minguer. Qu'est-ce que le talent ? Conclusion partie 1. Aujourd'hui, la valeur de l'excellence. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minguer. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur. Pierre-Michel Minguer vient de diriger Le talent en débat, ouvrage à paraître au PUF prochainement. Réalisation Ghislaine David, iconographie web Claire Poinsignon, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous conclurons notre enquête autour du talent et de ses controverses en compagnie de Pierre-Michel Minguer. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.